Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Quinzième épisode. Un vieux notable copte est venu alerter Nessim des débordements de son frère Narouz, qui prêche la révolte des Coptes contre la couronne égyptienne. Nessim et Narouz se sont affrontés pour la première fois de leur vie. Nessim a été vaincu par la puissance de son frère. Cependant, malgré le danger que son cadet représentait désormais pour l'avenir du complot, pour sa sécurité et pour celle de Justine, Nessim ne peut se résoudre à le faire disparaître. À cet instant de la reconstitution des événements qui touchaient à leur épilogue, le spectre d'Alexandrie s'est de nouveau levé devant Darley. La ville, habitée par les souvenirs qui me restent, se déploie en arrière et en avant du temps présent. Unie par la volonté d'Alexandrie, isolée sur un promontoire schisteux dominant la mer, sans autre rempart que le miroir lunaire de Maréotis, le lac Salé, et au-delà le désert infini et déchiqueté, les communautés se perpétuent et communiquent. Les Turcs avec les Juifs, les Arabes, les Coptes et les Syriens avec les Arméniens, les Italiens et les Grecs. Jusqu'au nom des arrêts de tram qui évoquent les ancêtres oubliés de leurs ancêtres, d'Alexandre à Hammer, les pères de cette anarchie de la chair et de la fièvre, de l'amour vénal et du mysticisme. Quelle autre ville au monde peut offrir à ce point la mémoire de son histoire ? Échec au roi. Échec plutôt à l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Mount Olive et Balthazar étaient assis dans la serre chaude de la résidence d'été de l'ambassade et jouaient leur quotidienne partie d'échecs. De temps en temps, le regard absent, l'un ou l'autre pensait tout haut. Ce n'était pas une conversation, mais la communication de deux esprits que la grandiose stratégie des échecs absorbait réellement. Un sous-produit de l'amitié dont les racines plongent dans les silences féconds du jeu royal. Je suis obsédé par le visage de Passwarden sur son lit de mort. On aurait dit qu'il venait de nous jouer un bon tour, mais qu'il s'était endormi avant que le sourire ait eu le temps de s'effacer des coins de sa bouche. Vous avez bien fait de demander à Cléa de réaliser son masque mortuaire. En plâtre de Paris, s'il vous plaît. Vu sous un certain angle, le mort a un air bougon. Vous ne trouvez pas ? Lorsque j'ai touché l'effigie du bout des doigts, avec une certaine répugnance, je dois dire, ou plutôt avec une crainte superstitieuse, je me suis aperçu que... Que vous aviez peur de la mort ? Attention, votre reine, vous allez la perdre. Il n'empêche qu'il m'a fourré dans un sacré guépier. C'est vrai, Passwarden a résolu à sa façon le conflit, vieux comme le monde, entre devoir et sentiment. Et il vous en a fait le cadeau empoisonné. Pour Nessim, qu'est-ce que vous comptez faire ? Nessim, je me sens trahi, humilié. J'avais une confiance aveugle en lui à cause de Layla. Mais vous ne m'avez pas dit. Que comptez-vous faire en référé à Londres, avertir les Égyptiens ? Je ne sais pas. Le rapport que l'on vous a remis mentionnait bien que l'équilibre mental de Passwarden inspirait depuis quelque temps certaines inquiétudes. Cela pourrait suffire à expliquer son suicide, non ? En fait, il suffirait de brûler la lettre, là, dans la cheminée, à l'aide d'une simple allumette. Mais non, ce n'est plus possible. Nessim sait que je suis au courant, et puis il n'abdiquera pas. Je le connais. Oh, pour cela, pas d'inquiétude. Je suis sûr qu'il fera le nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre. Au fond, lui aussi doit lutter contre un sentiment du devoir et des responsabilités. Envers qui ? Envers les siens. Lui-même, peut-être. Je vais tenter d'étouffer l'affaire. Je crois que vous avez raison. Mais jamais, jamais plus je ne pourrai regarder Nessim en face. Échec à votre reine, mon ami, si je ne m'abuse. Balthazar partit. Mantoliv se rendit dans son bureau et sonna Erol, son conseiller politique. Il lui tendit la lettre de Pursewarden. Erol s'assit et se mit à lire le document avec avidité. Bien entendu, comme vous le savez, certains soupçons s'étaient portés sur Hosnani. En effet, monsieur. Mais il n'y a aucune preuve qui vienne appuyer ces dires. Je ne sais pas. Cela paraît tout de même assez concluant. Je ne pense pas que cela mérite un rapport circonstancié. Naturellement, nous informerons Londres. Cela intéresserait peut-être les Égyptiens. Et cela éviterait les pressions diplomatiques si... Si par la suite la chose prenait une tournure plus concrète. Je sais que Hosnani est un de vos amis, monsieur. Lorsque le travail est en cause, un diplomate n'a pas d'amis. C'est juste, monsieur. Si vous n'y voyez pas d'objection, nous ne remettrons pas ces documents aux Égyptiens tant que la culpabilité de Nessim Hosnani ne sera pas établie. Cela affaiblirait notre position. Vous savez bien que le ministre de l'Intérieur, Memlik Pacha, n'est pas des plus anglophiles. Affaire classée, Erol. Quant à Nessim, il le croisa à deux ou trois reprises lors d'un grand dîner mondain au cercle Mohamed Ali. Il sentit les yeux de son ami chercher les siens, mais il les évita. Rien de ce qui les agitait ne transparut dans l'attitude des deux hommes élégants qui se tenaient sur le perron, fumant un cigare en attendant leur voiture. Avec les premières averses d'automne, Mantoliv reprit ses quartiers d'hiver au Caire. Londres gardait le silence sur les révélations contenues dans la lettre d'adieu de Pursewarden et semblait apparemment plus disposé à partager la douleur de son Excellence, dont les subordonnés étaient somme toute peu fiables, qu'à le critiquer ou à soumettre toute l'affaire à une enquête plus approfondie. Entrez. Bonjour, Erol. Le courrier de Palestine, c'est bien ça ? Oui, monsieur. Envoyé par le général Maskelyne. Seigneur, ce n'est pas un courrier, c'est un roman fleuve. Effectivement, monsieur. Eh bien, ouvrons-le, mon cher, et lisez-le-moi. Mon cher ambassadeur, je suis persuadé que les documents ci-joints vous intéresseront. Ils ont tous été découverts récemment par mes services au cours d'une série d'investigations d'envergure menées ici en Palestine. Je suis en mesure de fournir de nombreuses pièces relatives à une correspondance détaillée échangée depuis ces dernières années entre Hosnani et l'organisation dénommée « Les combattants juifs pour la liberté à Haïfa et à Jérusalem ». Elle fait état d'acheminement d'armes et de munitions en quantité si considérable que cette affaire cause de graves préoccupations aux autorités du mandat. Bien entendu, ceci soulève une fois de plus l'aspect politique de nos rapports avec Hosnani. Il est clair qu'il faut mettre de toute urgence un terme aux activités de cette personne. J'envoie copie de ces pièces au ministère de la guerre. Laissez-moi donc la boîte à cigares, je vous prie. À première vue, monsieur, chaque lettre est effectivement signée de Hosnani. Naturellement, elles sont toutes tapées à la machine. Je suppose que vous désirez les étudier tranquillement. Informez Londres que nous avons reçu le mémorandum de Maskelyne et que nous attendons leurs instructions. L'après-midi même, arriva de Londres un télégramme qu'Errol tendit à son ambassadeur comme si c'était un bouquet de fleurs cueilli spécialement à son intention. On enjoignait son Excellence à manifester très officiellement auprès du ministre des Affaires étrangères égyptien l'énergique protestation du gouvernement de Sa Majesté britannique. Montolive fut pris d'une terrible nausée. Ses genoux s'entrechoquaient. Une série d'images défila devant lui. Nessim fuyant le pays. Nessim dans la prison de Hadra. Nessim dans les fers. Mais à sa grande surprise et non moins grand soulagement, le ministre égyptien des Affaires étrangères lui signifia que cette affaire était du seul ressort de Memlik Pacha, ministre égyptien de l'Intérieur. Tout cela ne m'étonne pas, monsieur. Le vent tourne en faveur de Hosnani. À sa place, je ferais à Memlik un présent royal. Sa vénalité est légendaire dans toute l'Égypte. Nessim posa le carton fleuri contre l'encrier pour mieux l'étudier. C'était une invitation de Memlik Pacha à une soirée de lecture de poèmes. Il riait doucement sous cap. Toutes ces craintes qui nous ont empoisonné la vie. Comme ça paraît bête maintenant. Ouf. Quel soulagement. On ne pouvait rien imaginer de mieux. Justine, trouve-moi le plus beau livre de calligraphie de ma bibliothèque. Il y en a de très anciens. Celui à la couverture ivoire, par exemple. Je l'emporterai avec moi pour la soirée. Il aura son édition rare. Memlik avait institué une sorte de cérémonial de cour pour la réception des présents. Sa collection de calligraphie était célèbre. Il l'abritait tout en haut de la maison, dans une sorte de grenier délabré. Tout le monde savait que la meilleure manière d'approcher le ministre de l'Intérieur était de glisser entre les pages d'un exemplaire particulièrement précieux des billets de banque ou toute autre forme de monnaie et de lui offrir cette modeste contribution à sa superbe bibliothèque. La longue serre en forme de L où se tenaient les audiences avait quelque chose de déconcertant. Les impostes garnis de grossiers vitraux transformaient les visiteurs en arlequins, les éclaboussant de vert, de pourpre ou de bleu durant leur traversée de la longue pièce pour aller saluer leur hôte. Nessim avança d'un pas alerte, porta la main à son cœur et à ses lèvres selon l'usage et s'assit devant Memlik pour lui exprimer sa gratitude et marquer qu'il se sentait grandement honoré. Il tenait à la main un délicieux petit livre enveloppé dans du papier de soie dont il avait soigneusement lardé les pages de chèques négociables en Suisse. Pacha, j'ai entendu vanter les mérites de votre légendaire bibliothèque et je vous prie humblement d'accepter de la main d'un amoureux des livres ce modeste exemplaire. L'hôte est honoré. Je souhaitais particulièrement vous voir, Hosnani. Je suis honoré, Memlik Pacha. Ah. Oh, quelle chaleur insupportable. Le prophète a dit que la puissance engendre les ennemis. Et je sais que vous êtes un homme puissant. Ma puissance est insignifiante, Pacha. Et cependant, j'ai des ennemis. Je crois que nous nous entendrons bientôt à la perfection. Ceci est mon plus grand souhait. Bon. Et je dois aller comparer votre livre avec les autres ouvrages de ma collection. Et prenez un siège. Je vous rejoins bientôt. Il quitta la pièce. Une conversation générale s'engagea à laquelle Nessim s'efforça de prendre part, bien qu'il eût conscience que son cœur battait à un rythme excessif et que ses doigts tremblaient quand il portait sa cigarette à la bouche. Puis, Memlik entra brusquement et Nessim vit qu'il avait les mains vides. Il récita intérieurement une prière d'action de grâce et s'épongea le front. Le pacha se dirigea lentement vers lui. Ses longs doigts souples agitaient doucement un chasse-mouche orné de perles. C'est un ouvrage très précieux que vous m'avez offert là. Il est tout à fait recevable. Votre savoir et votre discernement sont d'ailleurs très légendaires, monsieur. Et ce serait faire montre de la plus vulgaire ignorance que d'en manifester de la surprise. Vous me comblez, Memlik Pacha. Mais il y a une autre chose. Vous n'ignorez pas les doléances qui m'ont été adressées à votre sujet, cher Effendi. De toute façon, je serai obligé, tôt ou tard, d'en rechercher les causes. Grand regret. Monsieur, vers le temps de la Noël européenne, une question de moi, il n'y aura plus aucun sujet de plainte. Alors, le temps est une chose d'importance. Nous en tiendrons compte. Le temps, c'est l'air que nous respirons, dit un proverbe. Ma collection a besoin de votre science très éclairée, mon cher Hosnani. J'espère que vous pourrez me trouver encore d'autres trésors de calligraphie de notre langue sacrée. Autant qu'il pourra s'en trouver d'acceptable, Pacha. Je regrette que nous ne nous soyons pas rencontrés auparavant, Hosnani. Grand regret. Grand regret, Pacha. Quand Nessim regagna l'hôtel Shepherd's, Justine n'était pas encore couchée. Elle l'attendait dans le hall, sous la pendule, devant une tasse de café turc. Dieu merci. Je suis soulagée. Dès que tu es entrée, j'ai su que tout allait bien. J'ai obtenu de Memlik qu'il retarde le moment où il sera obligé d'agir. Mais les Anglais ne peuvent pas relâcher leur pression. Je sais. Je me sens nerveuse, Nessim. Allons faire une promenade le long du Nil avant d'aller nous coucher. La voiture roula doucement sur les routes bordées de jacaranda qui longent le fleuve. Ils passèrent devant les jardins brillamment éclairés de l'ambassade britannique. Justine sursauta et tira Nessim par la manche. Car elle venait d'apercevoir une silhouette familière en pyjama qui descendait les allées de cette démarche nonchalante qu'elle connaissait bien. Montolive, là, dans les jardins de l'ambassade. Il tient un télégramme. Pourvu qu'on ne l'oblige pas à agir. En fait, il n'y avait aucun mystère dans le télégramme que l'ambassadeur tenait à la main et qu'il étudiait de temps en temps en parcourant lentement son domaine et en fumant son cigare. Une fois par semaine, il faisait une partie d'échecs par correspondance avec Balthazar. Il ne vit pas la grande voiture passer devant les jardins et disparaître vers la ville. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. 15e épisode. Avec Christophe Giordano, Darley, Didier Sandre, Nessim, Gérard de Sarthe, Balthazar, Valérie Lang, Justine, David Jesselson, Mount Olive, Bernard Gabet, Lord Errol, Med Hondo, Memlik Pacha. Et la voix de Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.